Salut Charline. Bon, il est où Guillaume là? Il prend l'ascenseur. Ouais. Ah bon? Bah, il a lu dans Aujourd'hui en France que 4% des gens avaient déjà fait l'amour dans un ascenseur. Ah, et donc. Je te fais pas de dessin, il fait des allers-retours depuis 2 heures. Ah ouais, des allers-retours. Je serais étonné qu'à 9h du matin quand même. Ah, statistiquement, il y a une chance. C'est sûr. Ah bah oui, bah on fait le calcul. Bon, Guillaume, il est hétéro. Ouais, enfin je crois. Oui, enfin, on dit qu'il y a une chance sur 2 qui tombe sur une femme. Oui, mais elle doit être seule à prendre l'ascenseur. Oui, ok, c'est vrai, parce que des partout dans l'ascenseur, c'est encore plus rare. Oui, genre 1%. Disons qu'il y a 30% de chances qu'une femme seule prenne l'ascenseur avec Guillaume, faut encore qu'elle soit dans les 4% de gens qui font l'amour dans un ascenseur. Et que Guillaume lui plaise. Ah. Une chance sur 2 ou sur 3. Oh. Allez, on dit sur 4, 25% on n'en parle plus. Bon, encore faut-il qu'elle ait envie de faire l'amour à 8h du matin. Ah, hein, ça fait, je dirais, allez, 85% des filles. Mais t'es dingue. Enfin, ah, pardon, je parlais des filles qui se réveillent à côté de moi. Bon, on va dire. C'est ça, bien sûr. Bon, alors, vous, les filles, par exemple, je sais pas, une chance sur 10 que vous ayez envie le matin à 9h en arrivant au bureau. Allez, on dit ça, je fais le calcul. 30 fois 4% fois 25% de chance que Guillaume lui plaise, fois 10% de chance que Blin ait envie, 0,003% de chance qu'il ait fait l'amour, multiplié bien sûr par le nombre de voyages qu'il a fait. Ouais, j'étais dans l'ascenseur. Combien de voyages? Non, justement, je suis resté bloqué pendant 2 heures, je signale. Oh là là. Avec qui? Bah, avec un invité politique. Alors, je te jure que c'était pas. Qui ça? Rachel Alti. Non. Valérie Pécresse. Non. Nadine Morano. Non. Mais qui? J'étais avec Dominique Strauss-Kahn. Bon, bah, c'est pas grave, va t'asseoir. Non, justement, voilà. En fait, je préférais pas. France Inter, bonjour à tous, y compris ceux qui nous écoutent dans les ascenseurs. Vous écoutez l'émission qui passe l'actualité aux presse purée. Et voici les 3 infos que nous allons écraser jusqu'à 18h. Le chômage bat un nouveau record. En gros, c'est comme chaque mois, mais en pire. Et comme chaque mois, soyez rassurés, le chef de l'État a la solution. Reprise poussive. Elle est poussive, donc faut la pousser. Voilà. On peut pas parler de corruption du pouvoir à la télévision algérienne. Une émission satirique vient d'en faire les frais. Le CSA algérien, c'est un peu le gouvernement, et il surveille les insolents. Vous savez pas à qui vous parlez, je m'en fous. Mon ami. Affaire, hein. Monsieur le ministre, vous avez pas reconnu. L'ascenseur crée du lien social. L'ascenseur crée du lien social à tel point que 4% des Français affirment avoir déjà fait l'amour dans un ascenseur. C'est pas un truc qui risque d'arriver à Madame Musquin. Je suis bloquée dans l'ascenseur. Répondez-moi. Yeah. Et pour passer ces 3 infos presse-purées, je suis accompagnée du cordon bleu de la blague, Alex Vizorek. Mais bonjour Charline, mais vous avez l'air jeune. Et pourtant je pense que vous écoutez du Francis Cabrel. Oui, parce que hier on a reçu pas mal de menaces de fans de Francis Cabrel ayant moins de 60 ans parce qu'on s'en était moqué. Alors bon, je l'ai pas pris pour moi parce que moi je l'ai défendu. Bon, heureusement les fans de Francis Cabrel ne sont pas des hooligans non plus. Et autour de la table c'est un hommage permanent puisque à 17h20, l'homme qui parle de sport met en poésie comme un peu une chanson de Francis. Il parlera de sueur, de gazon et de jacques qui court, du sport, comme s'il en pleuvait, avec Samir Boidi. Bonjour. Bonjour, de quoi on parle? On va parler du PSG, j'ai du mal à être sérieux sur ce coup-là. On va parler du PSG, affaires sérieuses au PSG. Excusez-moi, on va pas rigoler. À 17h30, celui qui, comme Francis, parle souvent pour ne rien dire, mais c'est tellement beau qu'on a envie de l'écouter comme une brise, l'abeille de l'irrévérence autour du pot de confiture de l'establishment, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex Vizorek, bonjour Charline Van Maaker. Alors moi j'ai rencontré Maxime Werner aujourd'hui, il a 25 ans, et c'est le premier candidat déclaré à la présidence de la République. Alors, est-ce qu'il est prêt pour la politique? Considérez que la première chose, c'est la sincérité. Oui, il est prêt. Il est prêt pour la politique de la sincérité. Et à 17h40, celle qui nous vient déjà du sud avec le soleil et les rivières, les pommes de pin et les cagoles. Sauf qu'elle a coupé sa moustache bien avant Francis. Bonjour, Nicole Ferroni. Bonjour, monsieur Vizorek. Mais on parlera de quelque chose qui pique plus que la politique, à savoir les moustiques. Vous le faites mieux que moi, tiens. Interpellez-nous sur Twitter pendant l'émission avec le hashtag AnnuleTout. Nous sommes aussi sur Facebook entre 2 photos de chat dans un panier en osier. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Comme ça, ça lui met la pression. Elle a l'air sous pression, ouais, ça, on le sent. Vous êtes né sous Vincent Auriol. Vous interprétez Fatima dans le célèbre feuilleton de la télévision algérienne La Grande Maison en 73, quand les feux de l'amour démarrent aux États-Unis, gros concurrent. Ah, vous tournez votre premier film en France, Le Harem de Madame Haussmann en 2000, quand quand Xavier Niel invente la Freebox, pour qu'on puisse le revoir après. Et vous jouez votre premier spectacle solo en France en 2012, quand Psy chante, donc quand il emmerde le monde entier avec le Gangnam Style. Ouais. Et je vais vous laisser dire, vous êtes... Biyona. C'est pas Beyoncé, c'est Biyona. Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Avec Beyoncé. Voilà. J'annule rien. Oui, alors, Biyona, il faut dire que vous êtes arrivé à l'accueil de Radio France. On vous a dit, c'est pour si tu écoutes, j'annule tout. Vous avez répondu. J'annule rien. Voilà. Non, dès que j'arrive, je me dis, j'annule tout. Ne vous laissez pas faire ici. Il y a quelques mois, ils ont annulé régulièrement des journées de travail. Alors venez ici, gueulez un peu. Biyona, vous êtes au théâtre du gymnase Maribel en ce moment. Vous faites des lectures. Ça s'appelle Mise en lecture, des textes de Françoise Sagan. Notamment trois jolis textes, Avec mon meilleur souvenir, Des yeux de soie et toute ma sympathie. Celui Avec mon meilleur souvenir, c'est assez souriant. Alors on vous connaît en danse, en chanson, en pétillance. Et là, c'est plutôt une mise en scène plutôt sobre de la lecture du François Sagan. Comment vous faites pour vous mettez toute cette énergie au service du texte, évidemment. Bon, voilà, Dominique Courbe. D'abord, vous prenez une tisane et puis vous y allez. C'est ça, en fait. En gros, c'est ce que je voulais dire. Dominique Courbe, mon metteur en scène, et avec sa femme aussi. Nathalie Vierne. Ils m'ont proposé de faire une lecture de Françoise Sagan. Mais moi, j'ai un public bon. Il y a un public intellectuel et j'ai un public, dès qu'il voit le nom, il ne voit pas que c'est mis en lecture. Alors, ils disent à Biyona, mais qu'est-ce qu'elle fait, un sketch ou on va rigoler là. Et puis, il fallait que je mette un truc de... Attention. Voilà, un truc de Biyona. Mise en garde. Un truc de Biyona, de temps en temps, dans Françoise Sagan, par exemple. Le vagabond. Oui. C'est l'escapade de Sagan. Et la deuxième, c'est Laetitia Garrett. Et Laetitia Garrett, je rajoute des touches parce que c'est une femme à homme. Et c'est une femme qui est très hautaine. Et puis, elle a voulu casser, rompre avec Charles. Et là, je rajoute des touches à la Biyona pour ne pas que mes fans... Quittent la salle. Que vous appuyez quand il y a des petites portes comme ça, parce que les textes de Sagan sont élégants, mais il y a aussi de l'humour et de l'ironie. Dès qu'il y a une petite porte pour l'humour et l'ironie, c'est un marchepied pour vous et on sent que vous prenez plaisir à rebondir dessus. Là, je le fais, mais quand on arrive à la lettre de Sagan vers Sartre. Ah oui, ça c'est triste et puis on est triste, c'est tout à fait normal parce que la lettre elle me touche beaucoup et je suis en transe. Moi je me demande, François Sagan des fois sur scène, je dis mince, peut-être c'est son fantôme qui est en train de, parce que quel texte, quel voilà. Et alors, vous qui êtes une femme libre, il y a les textes entrent en résonance, évidemment, Françoise Sagan, ça entre en résonance un peu avec vous, cette liberté, cette légèreté. Vous y reconnaissez. Cette folie. Donc vous prenez beaucoup de plaisir, j'imagine. Tu peux le dire. Et là, vraiment, oui, ça me touche. Attention, ma mère, elle lisait Françoise Sagan. Elle lisait beaucoup. Elle lisait Guy Descartes et Françoise Sagan. Et ça, c'était vraiment un plaisir de faire cette lecture. Alors, Alex Vizorek a regardé aussi avec moi. Alex, vous nous avez dit, finalement, Biyona, elle sublime le texte. Moi, j'ai trouvé, parce que évidemment, quand ça commence, on se dit, vous n'avez pas directement l'accent d'une Françoise Sagan et vous n'avez pas directement l'âge du personnage qui, parfois, a 16 ans quand c'est Françoise Sagan. Et en fait, on écoute une minute et demie et c'est tout à fait derrière nous, et vous donnez ce texte, et en fait, c'est les images que vous donnez, et on ne se pose même plus une demi-seconde la question de qui nous explique ce texte et comment il nous est expliqué. Donc j'ai trouvé ça assez fortiche. Voilà. Il y a quand même une minute et demie où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle n'a pas du tout l'accent, tout ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a une minute et demie seulement? Ah oui, pour moi, oui. D'accord. Pour moi, oui. Ah oui, hein. Ah oui, mais juste le temps de me dire, ok, oui, c'est bon, je rentre dedans. Et... Il y a même quelqu'un qui a dit dans la salle, parce qu'il y avait ma maquilleuse qui écoutait, il a dit, malgré qu'elle a des touches en arabe, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Ah c'est non, non, bien, ça, alors bien. Ça, il faut enlever tous les doutes, parce que... Non, c'est vrai, il y a une grande sobriété, et aussi dans la mise en scène qui imprime ça, évidemment. Sagan, mise en lecture avec Biouna. Alors, Biouna, on peut vous voir dans ses lectures jusqu'au 10 mai au théâtre du gymnase Marie-Bel. Et puis, vous succéderont Hélène de Fougerolles, ensuite, et ouais. Marie-Christine Barrault. Oui. Voilà. Pour qui ça va être plus difficile de prendre l'accent algérien, mais je sais que pour être prête. Voilà la légèreté de Sagan et son petit grain de folie avec Biouna au théâtre du gymnase Marie-Bel. Et là, justement, Sagan, un peu au départ de Lolita. Lolita Go Home, c'est Jane Birkin sur France Inter. Tous les gens comme il faut se retournent sur moi. Principalement les femmes, je ne sais pas pourquoi. Elles luquent mes chaussettes et ma jupe. Je les entends murmurer les drôles de mots comme pute. Lolita, Lolita go home. Lolita. Comme une boule de flipper qui se cogne aveuglement dans les machines en fer. J'ai tout mis dans un sac de carton et ficelle. Je pouvais plus supporter leur sarcasme cruel. Lolita, Lolita go home. Lolita, Lolita go home. Lolita, les volets clos, j'ai senti leur regard. Et je courbais le dos en chemin vers la gare. On dirait que vraiment à tout je faisais peur. J'ai vu en rang serré les femmes crier en chœur. Lolita, Lolita go home. Lolita, Lolita go home. Lolita. Au wagon restaurant, j'ai commandé un thé. Je ne fais rien de mal, j'ai les jambes écartées. Et pourtant devant moi, un vieux monsieur salive. Et j'écoute le chant de la locomotive. Lolita, Lolita go home. Lolita, Lolita go home. Sur France Inter, dans Si tu écoutes, j'annule tout. Nous sommes en compagnie de Biouna. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Et Biouna qui joue Françoise Sagan, qui lit Françoise Sagan. Et vous expliquez que c'était sympa, évidemment, de faire un petit peu de l'intello en faisant du Sagan et un petit peu de vous. Et j'annonce d'ailleurs le spectacle Jamel Debbouze lit Kierkegaard, où il va faire un petit peu, évidemment, de Van et puis un petit peu de Kierkegaard. Autour de la table, Nicole Ferroni, qui prépare un Victor Hugo, et Samir Bouadi, qui est évidemment surtout Socrate. Oui, oui, oui. Et moi, est-ce que je pue Guillaume Alex Vizorek, Louis, c'est vrai, la question. J'ai pas l'habitude de présenter mais trois c'est... personnes autour de la table. On va demander à Biouna. Il est juste à côté de vous, il est charmant ce garçon quand même, Guillaume Maurice. Il est très charmant. Il est mignon, hein. Ah oui, pour lui, je vais rester dans un congélateur. Dès qu'il aura mon âge, je sors. Mais méfiez-vous quand même, hein, parce que ah ouais, méfiez-vous, d'accord, parce qu'il fait des reportages, vous en saurez un petit peu plus dans 15 minutes. Allez, avec Alex Vizorek, nous avons feuilleté la presse, Biouna, attention, on va vous informer, mais alors d'une manière... Vous allez être informé comme jamais, là, attention. Charline Vanhoenacker. Non, mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par Alain Finkielkraut, qui se lance dans un débat avec un autre grand philosophe. Écoutez. Ils ont insulté le prophète. Eh bien, certes, ils ont payé peut-être un peu trop cher, mais Il savait à quoi s'attendre. C'est d'ailleurs ce que vient de nous expliquer Booba, le roi, l'empereur du rap. Voilà, il connaissait Booba, il avait envie de débattre avec Booba. Alain Finkielkraut. Oui, Alain Finkielkraut, ouais. Qui analyse du Booba tout en le citant, histoire de nourrir sans doute le débat intellectuel. C'est classe. Oui, on attend impatiemment un entretien croisé entre Elisabeth Badinter et Nabila sur la condition féminine au 21e siècle. Voilà. Passons à l'enseignement et la réforme des collèges. Oui, les nouveaux programmes regorgent de nombreuses périphrases élaborées par les pédagogues. Par exemple, la natation, qui permet, je cite, de construire la capacité à traverser l'eau avec le moins de résistance, en équilibre horizontal par immersion, prolongée de la tête pour se déplacer de façon autonome, plus longuement, plus vite, dans un milieu aquatique profond, standardisé. Oui, voilà, tout ça pour dire nager. C'est vrai. Et c'est confirmé d'ailleurs, les pédagogues qui rédigent les programmes sont payés à la page. Oui, ils ont sans doute des déformations professionnelles. Le pédagogue, c'est le seul type qui demande au taxi de faire un tour de périph avant de rentrer chez lui. Continuons avec les programmes d'histoire. Oui, ils comporteront désormais des thèmes obligatoires en histoire et des thèmes facultatifs. Il reviendra donc aux enseignants de faire le choix entre les matières facultatives. Heureusement que la télévision est là pour rectifier le tir le soir et compléter la formation de la jeunesse. Effectivement. Quant à une autre activité pédagogique dont on a déjà parlé ici, le stand-up à l'école. Alors Ramayad s'insurge, elle dit « Les socialistes préfèrent Jamel Debbouze au latin ». Ah bah dis donc, elle y va pas de main morte. Vous pouvez pas dire ça. Mais c'est quoi ce jeu de mots? J'ai compris. Heureusement que verba volant, scripta manent. Alors, c'est joli, oui. Et on revient à l'affaire de la patronne de Lina et ses 40 000 euros de taxi. Oui, et Alex, sachez que l'information vient de tomber. On vient juste d'apprendre que Agnès Sahal avait démissionné. C'est tout à fait vrai. Bien sûr. Non, mais là, c'est vrai. Voilà. En plus, moi, je suis consterné. Je pense, personnellement, si on l'ennuie, c'est uniquement parce que c'est une femme. Voilà, je le dis comme je le pense. Dites donc, Alex, vous devenez féministe alors. Mais oui, mais excusez-moi. Moi, je trouve que c'était une dirigeante intelligente et lucide. Une femme qui préfère prendre des taxis plutôt que de conduire elle-même, c'est beaucoup moins dangereux pour tout le monde. Très bien, terminons par la soirée des Molières. Oui, grand moment hier soir aux Molières quand Sébastien Thierry, auteur à succès, est venu défendre sa corporation face à la ministre Fleur Pellerin, présente dans la salle. Petite spécificité de la revendication, il est arrivé tout à fait nu sur scène. Et écoutez. On peut faire du théâtre sans costume, sans costumière. N'est-ce pas ? Apparemment. Mais pas sans auteur. Pourquoi cette discrimination ? Je sais pas, pourquoi ? Parce qu'on est laid physiquement, c'est ça ? Non, je sais pas, madame la ministre. Je dégoûte. Alors, parce que les auteurs sont laids comme des poux, ils n'ont pas droit à l'assurance chômage ? Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Fleur Pellerin avait l'air très surprise de voir comme ça le service trois pièces de cet auteur de théâtre. Ouais, non mais pire que ça, elle avait l'air tellement gênée qu'on se dit qu'elle n'a jamais lu de bouquin d'anatomie non plus. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 18h et on met l'actualité dans la prise, Biyouna, vous l'aurez compris. Avec vous, on va aborder ce premier sujet, le chômage. Parce que oui, on peut s'interroger sur le chômage. Hein, le chômage a dépassé la barre symbolique des 3,5 millions de chômeurs. C'est chaque mois pareil, c'est la même phrase, mais on change de chiffre. Mais pas de panique, la hausse est en baisse, c'est-à-dire que la progression ralentit. Quand la mer monte, j'ai honte. Raison, il travaille au black, c'est mieux, il paye pas d'impôts. On a choisi « Quand la mer monte, Biyouna » de Raoul de Godwarsveld. Et moi qui suis belge, j'arrive pas à le dire, c'est vous dire. On a choisi un refrain célèbre, parce que c'est un refrain. Voilà, tous les mois, c'est la même musique. On reçoit les chiffres du chômage, c'était hier à 18h. Mais cette fois, figurez-vous que le gouvernement a été encore plus malin que les autres fois. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la hausse est en baisse ou la progression ralentit, c'est ce qu'on nous dit. Et oui, c'est comme ça. Alors regardez, ça c'est la une des échos aujourd'hui, avec chômage, le rapport qui donne encore de l'espoir. C'est-à-dire qu'une étude officielle que nous a sortie le gouvernement pour torpiller les chiffres du chômage estime à 800 000 euros par an les postes à pourvoir en 2022. Donc en 2022, Biyouna, il y aura plein de boulot. C'est extrêmement rassurant quand même. Et moi, je ne serais même pas là. mais si, évidemment. Vous disiez... Et comme il n'y aura plus de retraite, vous allez bosser. vous disiez, ils travaillent tous au noir. Est-ce que, bon, alors, là, on a l'impression quand même que le gouvernement, il est en plein déni. Les gouvernements ne veulent pas dire... Pourquoi les gouvernements ne veulent pas dire tout simplement, bah oui, on a un problème avec le chômage. Ils disent, mais non, la progression ralentit, la hausse baisse, la baisse hausse, on est perdu, quoi. Oui, c'est comme s'ils voulaient dire, on est au bord du précipice, alors faisons un grand pas. Oui, voilà, oui c'est un peu ça. C'est la chute. C'est un peu ça. On va vous prendre comme conseiller en communication, parce qu'il y a une certaine poésie. Non, merci. Vous voulez ma mort ou quoi? On parle beaucoup de mort et de gouffre et de précipice, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, figurez-vous, le gouvernement a plein d'excuses. Le Huffington Post les a relevés. Il y avait par exemple, on ne pouvait pas faire mieux à cause de la croissance. La croissance, ben, ça ne va pas, donc on ne peut pas faire mieux. C'est implacable, non ? La croissance, elle est bien. Je pense que Biouna a un ticket Guillaume Meurice. Ou l'inverse. Laissez-nous, s'il vous plaît. Alors, ils disent aussi, en revanche, on enregistre une baisse de 0,7% du nombre de demandeurs d'emploi ayant exercé une activité réduite de 78 heures ou moins au cours du mois. C'est un peu comme les audiences radio. C'est ça. Rebsamen, c'est un peu le Europe 1 qui explique qu'il a quand même gagné. On est leader sur les moins de 42 ans. Avec des cheveux gris, voilà. On les salue évidemment. Mais oui, c'est tout à fait confraternel. Parce que j'imagine en Algérie, on noie le poisson régulièrement aussi. On noie des gros poissons avec des formules. La tête, c'est plus. Ah oui, ça m'est pas dit. Non, il faut sortir la tête. Oui, le poisson, il respire en bas, il respire en haut, partout à gauche, à droite, partout. T'en fais pas. Ah oui. C'est donc c'est une autre technique. Hein, donc on peut peut-être s'estimer heureux. Finalement, oui. Samir Bouadi. Oui. Je vous en chaud là parce que. Mais je suis extrêmement chaud. Mais c'est l'histoire de la crise de croissance là qui m'a. Mais ce qui vous a chauffé, prenez le micro, Samir Bouadi, attention, c'est à vous. Eh bien écoutez, oui, voilà, je vais parler un peu du PSG parce qu'on a parlé un peu de foot tout à l'heure dans la rédaction et je sais que vous êtes dingue à l'idée de savoir qui ce soir va gagner entre Reims et Paris. Alors j'ai senti une certaine fébrilité tout à l'heure à la rédaction. Oh là là. Hein, on n'a parlé que de ça. Le PSG va-t-il dépasser Lyon et devenir champion? Alors Éléonore Jean-Jean, une des spécialistes du ballon rond à France Inter, avait l'air très sereine quant à Guillaume. Lui, ce n'est pas le cas. Il n'y croit plus du tout. D'où ce rire nerveux un peu hystérique. Alors je vais remettre les choses un peu dans leur contexte, hein, histoire que tout le monde comprenne bien les enjeux. Biouna, le PSG, donc c'est un club de foot, c'est oui. Du football, hein, le club de la capitale Paris, Paris qui est donc la capitale de la France. Hein. On la peut France, dire le Qatar. Oui, alors voilà la France, exactement, qui est une ancienne grande puissance qui, pour se payer de grands joueurs, donc fait appel à des puissances émergentes comme le Qatar. Vous avez raison. Donc en gros, l'idée pour le PSG. J'aimerais bien être sponsorisé par. Mais il faut en parler directement. Hein. Mais c'est une bonne idée. Bon, en fait, en gros, l'idée pour le PSG, je vais y aller, c'est d'entrer dans l'histoire en empochant trois titres cette saison, ce qui serait historique. La Coupe de la Ligue, c'est fait, hein, il reste donc le championnat et la Coupe de France. Normalement, c'est jouable. On s'attend à ce que les dirigeants du club organisent donc une grande fête en évitant le Trocadéro, quartier trop mal fréquenté ces dernières années. On se souvient que les amateurs de Paris Saint-Germain, ainsi que quelques touristes totalement inconscients, avaient passé un sale quart d'heure en mai 2013 au moment où les joueurs paradaient. Enfin, le problème, c'est qu'au-delà de la joie légitime à vouloir fêter ce qui, encore une fois, serait historique pour le club et pour le foot français, il y a une réalité moins sexy, hein. Le club de la capitale est infoutu, mais alors infoutu de passer les quarts de finale d'une Ligue des Champions. Eh ouais. Eh oui, c'est comme ça, Biouna. Avec ou sans Zlatan, avec ou sans Pastore, hein, ou avec ou sans Pognon, ils y arrivent pas. Alors je sais que je vais encore me faire des copains chez les supporters du club. Mais en même temps, comme j'y connais rien en foot, j'ai le droit de dire des conneries. Donc alors au chapitre des conneries, justement, on a appris que la famille de Serge Atlaoui, ce Français condamné à mort en Indonésie pour une histoire de deal présumé et qui a déjà tiré, il faut le préciser, 10 ans de geôle là-bas, avait demandé aux dirigeants du PSG d'intervenir ou du moins de prendre position. C'est ça. Alors il paraît que là-bas, en Indonésie, donc la marque du PSG, ça pèse. Hein. Il paraît que nos stars parisiennes vendent beaucoup de ballons. Ah ouais, il y a des gros enjeux là-bas. Alors le club a répondu que non, hein, pas question de se mêler à cette histoire. Ça, c'est pas son rôle. Le problème dans cette histoire, c'est que l'anecdotique loisir, la futile passion, la niaise idylle qui se résume à regarder des milliardaires jouer pour des pauvres. Piquer la babale, rejoint le drame, le vrai drame, que dis-je, la tragédie. L'image du frère de Serge Atlaoui suppliant tout à chacun de faire un geste pour sauver la vie de son frère me hante. Hein, me hante tout autant que le sourire de Platini après avoir marqué son dernier but en équipe de France, c'était contre le Brésil. En 86, à l'époque, les joueurs portaient des shorts moule-burne, un peu comme toi, Alex. Hein, et toutes les histoires de prison lointaines, de drogue cachées dans les caleçons se résumaient pour moi à un film que tout le monde a vu, j'espère, enfin j'imagine, Midnight Express. Alors aujourd'hui, les pires cauchemars ont pris vie. vie et continue d'en prendre des vies. Le foot fait moins rêver, enfin moi quoi. Un pays comme l'Indonésie est souverain, c'est une bonne chose, hein, souverain dans ses choix, ses arbitrages et ses orientations pénales. Le vrai drame, c'est que moi je sais pas quoi en penser de cette histoire. Et c'est ça qui me rend très triste. Ouais. Le vrai drame, c'est qu'une tragédie se joue sur un terrain qui n'est pas fait de ce gazon béni dont on fait les stades. Bref, on va attendre encore un peu pour voir le Paris jouer une finale de Ligue des Champions et on l'aura tous compris autour de cette table. Le foot est une affaire beaucoup trop sérieuse pour être confiée à des utopistes. C'est un bonheur de vous entendre prendre position et de savoir que vous n'y connaissez absolument rien au foot, puisque ce soir, ce n'est bien sûr pas Paris-Reims, mais bien Paris-Metz. Et bien voilà, Et bravo comme ça, on est tous d'accord. Je me sens mis en bête avec Samir Bouadi parce que j'y connais rien non plus. C'était magnifique, Samir, c'était la géopolitique du football avec Samir Bouadi. De toute façon, c'est beaucoup plus intéressant. Mais le football mène à l'ouverture sur le monde, évidemment, et le monde financier. N'est-ce pas, Biva? Voilà, financier, oui. Allez, la musique adoucit les mœurs. You know me from all my videos. Isn't it time we hit the road? Oh, you want me, that's all you need to know. Wish you were mine, I got to go. I love in stereo. Isn't it finer in mono? Oh, you feel me, I ring from head to toe. You say goodbye, I say hello. She's Miss Binet, did that and bought the cat suit. My used to raising the roof and telling the truth. I thought I wasn't, but I was losing my mind. When she showed me how the night was supposed to sound, I realized that then whenever I shut my eyes, well, there she hovered, looking like $1 million in a briefcase or a duffel bag by high noon tomorrow. Just make sure you're not followed. And since you're such a stunner, send us something sunset color. Let's make love to one another. Run for cover. Des mini mansions. On ne sait pas si c'est parce qu'ils sont petits, mais en tout cas, c'est avec la participation d'Alex Turner des Arctic Monkeys. Et c'est la playlist France Inter, car oui, vous êtes à la bonne adresse, France Inter, en compagnie de Biouna, que vous pouvez voir au théâtre du gymnase Marie-Belle jusqu'au 10 mai. Mise en lecture, vous lisez François Sagan, Biouna, oui. Avec votre style à vous et avec beaucoup de sobriété. Je ne sors pas de du texte. Ah non. Le texte, je respecte. Mais de temps en temps, quand j'ai le truc, pour ne pas que mon public Mais vous mettez votre petite touche parfois. Voilà, je mets ma petite touche. Vous distillez, ça marche. Vous distillez, telles des petites perles. Voilà, et voilà. Ça marche très bien. Un peu comme Lucchini, hein. Lucchini fait ça. Hein. Non mais il peut chanter Johnny en plein racine. C'est vrai. Voilà. Et notamment les textes avec mon meilleur souvenir, donc plutôt rayonnant et léger comme texte de François Sagan, Des yeux de soie et toute ma sympathie. Biouna est donc avec nous. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, Nicole Ferroni, Samir Bouadi, le spécialiste en foot et en géographie française. Il va pas te lâcher. Mais t'inquiète, je vais. Et Guillaume Meurice, qui a enquêté. Oui. Bien sûr, Alex, bien sûr, Charline. C'est toujours impressionnant de rencontrer un futur président de la République française. C'est d'ailleurs la réflexion que se fait François Bayrou tous les matins en se regardant dans la glace. C'est beau. C'est vrai que si l'espoir fait vivre François Bayrou, Highlander. Mais moi, j'ai rencontré réellement un futur chef de l'État ce matin en la personne de Maxime Werner. C'est le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2017. C'est très sérieux. Il a 25 ans et ça fait du bien de voir des nouvelles têtes, un nouveau discours. D'ailleurs, pour lui, qu'est-ce qui compte vraiment ? Ce qui compte, c'est qu'un jour, le pouvoir il soit diffusé. Parce que le pouvoir, c'est comme le bonheur, c'est comme les idées. Alors, le pouvoir, c'est comme du bonheur, on dirait du Cali un peu. Ah non, pas Cali, mais pas les artistes France Inter. Aïe, première erreur politique, se fâcher avec les fans de Cali, ça lui fait 12 voix en moins directement. Oh là là, il nous écoute en aïe, plus. Aïe, c'est dommage. C'est la boulette. Mais également se fâcher avec les auditeurs de France Inter, donc là, potentiellement avec des vieux. Grave erreur. Et oui, car il n'est pas tendre avec les vieux, Maxime. Les vieux, ils veulent quoi au final ? Ils veulent transmettre à des gens. Ils veulent vivre quoi jusqu'à 120 ans ? Ils parlent plus à 80, c'est fini. Ça n'a aucun sens. Mais non, vous allez vous couper tout l'électorat vieux. Mais non, dites pas ça. Mais non. Dites un truc sympa sur les vieux. On a besoin de vous parce que la transmission des valeurs, si vous ne la faites pas dans les 10 ans qui viennent, on va perdre tout ça. On a les derniers vieux qui ont fait pousser du topinambour dans le jardin. Là. Ça n'existe plus, ça. En même temps, c'est dégueulasse le topinambour. Non, c'est pas mal, avec un peu de radis, c'est pas mal. C'est mieux. Ils se réconcilient avec les fans de Topinambour. Bon, ils sont aussi nombreux que les fans de Cali, donc c'est pas si important que ça. C'est un électorat de niche, hein, le... Oui, c'est le Topinambour. Mais je voudrais juste répéter à l'auditeur, c'est vraiment le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle. C'est pas de la blague, vous l'avez pas inventé. Je ne fais jamais de blague. Non, oui, pardon. Jamais. Bien sûr, c'est que du sérieux, que du fond. Alors, ils se réconcilient avec les vieux, Maxime, on l'a entendu. Et les vieux, ils votent, ils s'intéressent à la politique. Parlons politique avec Maxime. On peut faire de la politique différemment, sans y chercher aucun avantage, et surtout en voyant très loin. Mais le problème, c'est qu'ils disent tous ça. Ils disent tous qu'il n'y a aucun intérêt personnel et qu'ils voient loin. Même Édouard Balladur. Ça pose une vraie question, qui est une question démocratique. Est-ce que les petites négociations sur des intérêts compliqués d'élus du peuple vaut autant que le débat dans la population? Et là, il est au top, Maxime. Il ne répond pas à ma question. Il en pose une autre à la place et il y répond. Là, il est bon. Là, il a tout pigé à la politique, Maxime. Parce que c'est soit ça, soit ne répondre qu'à des questions de journalistes complaisants. Mais bon, David Pujadas n'est pas dispo tous les jours non plus. Hein. Donc il s'adapte, Maxime. Et ça, c'est bien vu. D'ailleurs, passons aux questions qui fâchent. Maxime, il s'était déjà présenté en 2012. Il n'avait pas obtenu les 500 parrainages, mais il avait appelé à voter au final pour Nicolas Sarkozy. Bah alors Maxou, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À la fin de ma campagne, j'ai 358 parrainages d'élus, j'ai fait le tour de la France. On a mobilisé des jeunes qui étaient tellement éloignés de la vie politique que ça en était surréaliste. Et là vous leur dites, il faut voter Nicolas Sarkozy. Et là on se dit quoi ? Soit tout ça, ça débouche sur rien, soit ça débouche sur des réformes concrètes. Il a repris intégralement ma réforme du permis de conduire, qui depuis d'ailleurs, du fait que c'était lui qui l'a repris à 2 semaines du premier tour, a été reprise aussi par le gouvernement actuel. Donc il y a eu ma réforme du permis de conduire. Donc vous avez appelé à voter Nicolas Sarkozy pour une réforme du permis de conduire ? Ouais, c'est un peu court, jeune homme, mais il l'avoue lui-même, hein. Il était naïf à l'époque, il s'est fait avoir par Sarkozy, mais honnêtement il n'est pas le seul. Hein. Je pense notamment à Muammar Kadhafi, hein, qui a tragiquement disparu dans un accident de financement de campagne. Un accident de voiture. Il n'a pas laissé la priorité à droite à un missile. Et puis bon, voilà, c'est ballot, c'est l'accident bête. Enfin, bon, n'en parlons plus, il est mort et enterré, Muammar, comme l'enquête des journalistes de Mediapart, d'ailleurs. Hein, du coup, c'est cohérent. Puisqu'on parle complaisance avec les dictatures, parlons de Le Pen. Que se passerait-il s'il débattait face à la fille ? Nos discours se frotteraient, avec nos discours. Hein. Mais ça commence par là, souvent. Oui, c'est vrai. Mais... Elle va finir première dame, en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Malheureusement, elle a plus de chances de finir présidente que d'être la première dame. Bon, il ne couchera pas avec Marine Le Pen, Maxime. Tant mieux, ça nous évitera une guerre civile. Et puis donc, on n'aura pas à se farcir les chansons à texte de Kali sur la guerre qui n'est pas trop cool, tout en bouffant des topinambours au radis. Merci pour ça, Maxime. Mais puisqu'on parle de coucherie... Est-ce que ça marche avec les filles d'être le futur président de la République ? J'en sais rien, moi Je suis l'homme le plus fidèle de la 5ème République, moi, je ne sais pas. Mais c'est bien, vous savez vachement bien mentir, en fait. Au final, il faut un fond contemplatif pour être hyper actif et aller bousculer les gens. Et en même temps, les aimer, quoi. C'est pareil avec les filles, pour un fou contemplatif. Pour aller bousculer les filles. En les aimant. Oh là là, là il est balèze, là il est balèze, là c'est plus du Cali, c'est quasiment du barbelivien. Il drague clairement la ménagère, il a tout pigé, Maxime, je vous dis. Mais alors méfions-nous, ce ne sont peut-être que de belles paroles. D'ailleurs, j'avais une dernière question. Quelles sont les promesses que vous ne tiendrez pas ? Alors la promesse que je tiendrai, c'est que je ne me marierai pas avec une actrice. Parce que les deux derniers, quand même, ils ont... La promesse que vous ne tiendrez pas. Donc ça veut dire que vous allez vous marier avec une actrice. Je fais pas de promesses. Moi, donc à partir de là, ta question elle est chelou, je sais pas. Moi. Refusez de répondre aux questions cheloues d'un chroniqueur perfide. Bien vu Maxime. Perfide parce que je lui ai pas vraiment donné l'occasion de développer son discours et son projet qui sont loin d'être inintéressants. Renseignez-vous sur lui. Vous savez quoi ? Je crois bien que je l'aime beaucoup, Maxime Werner. Et voilà, je me suis fait avoir par un politique. Il est vraiment, vraiment fort, ce Maxime. Merci Guillaume Meurice. Je pense qu'il va vous prendre comme conseiller en communication. Alors, je sais pas, Parce qu'elle lui avait donné quelques conseils. Non, en tout cas, vraiment, il mérite le coup d'œil. Si ça se trouve, vous avez la première interview d'un futur président, parce qu'il n'en a pas donné d'autres. Ah, mais je me place, moi, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que vous croyez ? Merci Guillaume Meurice. Allez, on est avec Biouna jusqu'à 18h. Sous les pavés, l'actualité. Tout de suite, le deuxième sujet. Attention, hein, entre le sujet 1 et le sujet 3, très donc, bien placé. Un livre intitulé « Paris-Alger » révèle les noms des responsables algériens qui ont acquis de luxueux biens immobiliers à Paris. Et une émission satirique algérienne s'est emparée du sujet. Et ce fut son dernier numéro. On a retrouvé un petit peu Alain Perfitte, hein, ministre de l'Information des années 60. Il a ressuscité à Alger. Mon rôle, c'est borné à donner la première impulsion. Maintenant, la tâche de tous les jours va incomber à l'équipe de Raymond Marcillac. Alors je vais vous poser une question encore plus indiscrète peut-être. Pourquoi notre directeur général, Monsieur Bordaz, a-t-il nommé à la tête de cette nouvelle équipe Raymond Marcillac ? À cause des qualités d'organisateur et d'animateur dont il a fait montre à la tête des émissions sportives. Eh bien, alors, si vous le voulez bien, monsieur, nous allons faire descendre Raymond Marcillac et le faire apparaître sur cette espèce de tableau magique qui va, bonsoir Raymond, qui va dorénavant être une des pièces maîtresses du nouveau journal télévisé. Voilà, Alain Perfitte et Léon Zitrone. Pour illustrer donc ce sujet, il y a un livre, donc Paris-Alger, de Christophe Dubois et Marie-Christine Tabé, et une émission satirique sur la télévision El Jazeera. Cette émission satirique qui s'appelait El Jazeera Weekend. Le petit journal de Canal+ en a fait un sujet hier, il y a quelques articles dans la presse. Est-ce que vous connaissiez cette émission, vous, Biouna? Non. Sur la télévision algérienne, mais la télé Al Jazeera. Je vois pas beaucoup la télé ces temps-ci parce que j'ai beaucoup de scénarios à lire. J'ai ça grand, ça me suffit. Vous avez raison, c'est parce mieux que la télévision. Parce que si je suis la politique, après c'est le Titanic et après et après l'analytique. C'est pas mon truc. Donc l'histoire. J'ai baissé les bras, ça. Bon, voilà, l'histoire, c'est qu'il y a eu des pressions du gendarme de l'audiovisuel et donc du gouvernement. Qui pointait des dérives répétitives, évidemment, dans une émission satirique de l'émission. Moi, je suis contre les émissions satiriques en général. Mmh. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Non, mais ils ont été loin, ils ont même dit que Bouteflika était vivant. C'est quand même... Oui. Donc là, bon, disons que l'état de la satire en Algérie, c'est comme la courbe du chômage en France, elle n'est pas très très en forme. Ça va. Voilà. Ça va. La question que j'avais à poser, parce que évidemment je connais très mal le milieu médiatique algérien, mais l'idée même qu'il y ait une émission satirique qui existe, c'était déjà quand même un demi-pas. Alors qu'après, évidemment, dès qu'elle l'exagère, on l'interdit, c'est bizarre. Pourquoi Al Jazeera, elle est devenue satirique? Non, c'est El Jazeera. Attention, c'est une autre chaîne. Exactement. Ah oui, j'avais pas l'accent. Voilà. Mais vous vous sentez proche de ces familles de gens qui se moquent du pouvoir en Algérie et qui peut-être aident aussi à aller vers quelque chose de plus démocratique? Et ils se moquent du gouvernement et après ils font les faux culs. Pourquoi ? En tout cas, on vous renverra vers les articles et l'émission si vous ne connaissiez pas, parce que ça gagne à être connu. Puis ils reviendront bien sûr par l'entremise du web. En tout cas, Bouteflika aussi, il a une fastueuse résidence à Paris, le Val de Grâce, je pense, ça s'appelle. C'est pas l'hôpital, ça. Ah, si. En tout cas, soutien à tous les gens qui essayent de faire des blagues sur les dirigeants. Biouna, ne regarde pas la télévision, parce que je rappelle que vous êtes au théâtre du gymnase Maribel. Et au lieu de regarder la télévision, lisons Sagan et allons écouter Sagan. Oui, et vos mises en lecture. Sagan, c'est mieux parce que dès qu'on voit les infos, dès qu'on voit, ça me rend triste. Et ça. Et pour dire Bouteflika, quand même, il a travaillé dans le pays. Bon, moi, je vis pas là-bas, je vis en France. Mais quand même, il a donné beaucoup de choses au pays. Voilà. Dis donc, ça serait innocent, quoi. Mettre une ambiance sur ce plateau. On s'attendait pas à ça. On va se demander qui sera le prochain. Qu'est-ce qui vous arrive, Biouna? On rappelle que le producteur de Biouna est Bouteflika. Et que le CSA algérien l'écoute. C'est le Qatar, arrête. C'est le Qatar, c'est le Qatar. Qu'il faut rester en sécurité. Restons en sécurité à la sortie du théâtre Gymnase Maribel. Nicole Ferroni. Oui, prenons bonjour. De la hauteur aussi. Oui, hein, tout à fait. Alors moi, je vais juste revenir tout à l'heure sur l'histoire de chômage, parce qu'il y a quand même une catégorie que vous n'avez pas citée, qui échappe quand même très bien au chômage, notamment parce qu'au mois de mai, elle ne fait pas des ponts, mais des pompages de sang sur peau bronzée, à savoir les moustiques, qui connaissent au contraire une très belle croissance dans le secteur de la piqûre et une envolée de leurs actions. Alors en France, quels sont-ils? En France, donc, on distingue trois genres principaux de moustiques, notamment le genre Culex, avec Culex pipiens, hein, qui malgré son nom formé de cul, de ex, de pipe et de yin, ce n'est pas une pornostar, mais un moustique nocturne. Ensuite, le deuxième genre, Anopheles, du grec Anopheles, qui signifie littéralement inutile. Alors pourquoi ce nom? Parce que les Anopheles sont responsables dans le monde de la transmission du paludisme, qui fait chaque année plus d'un demi-million de morts, d'où cette fameuse expression grecque très connue, un demi-million de morts par an, c'est inutile. Et enfin, le troisième genre de moustique qui sévit en France, les Aedes, dont le représentant le plus célèbre est Aedes albopictus, ou moustique tigre, qui a su, comme Jean-Paul Gaultier avant lui et Arnaud Montebourg, relancer le port de la marinière, puisque c'est un moustique rayé, très tendance, qui se porte très près du corps, pour ne pas dire dans le corps, puisqu'il va, comme tous les moustiques, piquer le corps afin d'en pomper le sang. Alors moi je dis il va, mais en fait il faudrait en vérité dire elle va, hein, puisque chez les moustiques qui sont plutôt normalement nectarivores, seules les femelles, en période de ponte, vont piquer le sang pour permettre l'élaboration de ces futurs œufs, d'où le fait que certaines disent « Ah bah ça, de toute façon, il n'y a que les femmes pour nous casser les », et les autres qui disent « Ah bah ça, de toute façon, il n'y a que les femmes pour préparer la bouffe pour les gosses ». Et donc, en tout cas, on voit voilà que ce sont les femelles qui piquent et transmettent des maladies comme le paludisme, la dengue ou le chikungunya. Alors le problème, c'est que de plus en plus de Français rechignent à attraper le chikungunya, parce que beaucoup lui préfèrent d'autres loisirs plus doux comme la pêche et le tricot. Et donc, du coup, tout le monde se pose la question, mais comment éviter les piqûres de moustiques? Eh bien, c'est dans un article de la revue scientifique PLOS ONE, en fait, du 22 avril, qui nous apporte donc un élément de réponse. Alors, les chercheurs britanniques ont étudié l'attractivité de la peau humaine pour des moustiques chez 18 paires de vrais jumeaux qui ont les mêmes gènes, et donc 19 paires de faux jumeaux qui n'ont pas les mêmes gènes. Les moustiques étaient lâchés dans un tube en forme de Y relié aux mains de chacun des deux jumeaux de la même paire, permettant aux moustiques de se diriger, de piquer leurs jumeaux préférés. Et dans le cas des vrais jumeaux, les chercheurs ont remarqué que les moustiques se dirigeaient à l'image des électeurs français, aléatoirement, à droite et à gauche, tant l'odeur et la composition des effluves qui émanaient des deux bords étaient très proches. Par contre, quand il s'agissait de faux jumeaux, les chercheurs ont fait le constat que les moustiques piquaient davantage l'un ou l'autre des jumeaux, ce qui tend à prouver que ce sont bien les gènes qui définissent notre faculté à attirer le moustique. Et donc vous allez dire, ah mais oui, mais bon, alors si j'attire les moustiques et que c'est de la faute de mes gènes, vu que je peux pas changer de gène, comment je peux faire? Ne vous inquiétez pas, la revue PLOS ONE, datée de 2012, nous expliquait aussi que la probabilité d'être piqué par un moustique dépendait de la faune bactérienne de notre peau. Hein, c'est-à-dire que les chercheurs de l'université Wageningen aux Pays-Bas avaient remarqué que des individus qui portaient sur leur peau des bactéries Leptotrichia avaient une plus forte probabilité d'être piqués que celles qui portaient des bactéries de type Vario Vorax. Alors, la bonne nouvelle pour vous, vous allez dire, c'est que voilà, même si votre voisine Janine, qui elle ne se fait jamais piquer, a injustement des gènes moustiquement avantageux et que vous ne pouvez rien y faire, rien ne vous empêche de lui emprunter discrètement des bactéries de sa peau par une stratégie de diversion. Janine, je peux reprendre un petit peu de votre taboulé? Non, ne me servez pas avec une cuillère, pas de manière, prenez donc avec les mains. De faire ensuite un élevage de ces bactéries dans des boîtes de pétri avant de vous en asperger sur le corps. Alors, bien sûr, vous soyez tenté de dire, mais c'est pas plus simple de mettre de la citronnelle? Bien sûr, c'est plus simple. Mais si vous cherchez des choses simples, pourquoi vous écoutez France Inter? Merci Nicole Ferroni, mais tout devient simple avec vous, vous avez des solutions, c'est pour ça qu'on vous aime. Allez, sur France Inter, on va mettre Biouna dans l'ascenseur, ça va pas tarder, juste après Otis Redding. I'm in just a beautiful, baby that's my name, oh, call me Mr. Beautiful. That's gonna understand what make a man feel so blue. Ooh, they call me Mr. Pitiful, 'cause I know. Mr. Pitiful, Otis Redding sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Biyuna, qu'on peut voir au théâtre du gymnase Maribel. Elle lit Sagan jusqu'au 10 mai. Et après vous, Biyuna, ce sera Hélène de Fougerolles et Marie-Christine Barrault. Allez, troisième sujet, 12% des Français avouent avoir déjà dragué dans un ascenseur. N'est-ce pas, Samir Bouadi? Je ne sais pas pourquoi vous regardez comme ça. Pas du tout. Moi, c'est les montres charges. C'est ça. Attention. C'est parce que vous aimez les femmes enveloppées. Mais voilà. Mais c'est bien parce que c'est... on est plus à l'aise dans le montres charges. Parce que 4% disent que... C'est bon à savoir. Parce que 4% disent que dans l'ascenseur, ils ont déjà fait l'amour. Yes. Quoique, dans l'ascenseur, ça va être excitant de faire l'amour. Dans l'ascenseur? Ouais, on a toujours peur d'être surpris par un inconnu. Et dans la chambre d'un bel inconnu, c'est excitant aussi, non? Ouais, mais dans l'ascenseur, c'est très érotique. Alex, j'ai pas payé 1000 balles pour baiser dans l'ascenseur, quoi. Pourquoi? Mais tu fais pas d'effort, là. Mais si, attends. Mais non, mais sois dedans aussi un peu, là. Mais attends, arrête. Non, mais oui, t'es sympa, t'es sensuel, mais t'es pas sexe, tu vois. Quoi, je suis pas sexe? Frotte-toi un peu. Bah, je vais pas me frotter comme ça, comme une pouf. Donne-toi un petit peu là, t'es coquine, t'es pas sale. Bon, de toute façon, on est arrivé, on y va maintenant. Ouais, bah c'est ça, vas-y, tiens, viens, ouais, bravo là. Un gars, une fille. Et c'est un article du Parisien aujourd'hui en France. Figurez-vous, Biyuna, qu'en France, on fait des sondages pour savoir ce que les gens font dans les ascenseurs. Hein. Alors c'est quand même fou, parce que généralement l'ascenseur c'est pour partir à la verticale, pas pour finir à l'horizontale. Pas ça magique quand même, voilà. Ouais, c'est très intéressant. Souvent, hein, c'est bien ce genre de trucs là, c'est édifiant, on apprend plein de trucs. Quel est votre rapport à l'ascenseur, Biyuna? Moi, je suis sûr que vous parlez. Vous faites peur, là. On se pose tous la question. Vous êtes à l'aise dans les ascenseurs? Vous verriez entamer une histoire d'amour dans un ascenseur? Quand je prends... Non. Vous dégagez quelque chose de profondément social. C'est-à-dire que ne fût-ce que votre sourire, on a envie de vous adresser la parole. Et à mon avis, vous-même, vous répondez assez facilement. Est-ce que quand vous rencontrez un inconnu ou une inconnue, vous lancez directement dans la conversation, vous essayez de créer le lien? Oui. Inconnu qui serait nu dans l'ascenseur, par exemple. Je crée la conversation. Et... Ça se sent. Mais je ne... Non, je ne sais pas pourquoi ça se sent. Biyuna, vous faites partie des 60% de gens qui engagent la conversation avec un inconnu dans l'ascenseur. Parce que figurez-vous que l'ascenseur crée du lien social. Eh oui, mais ça, on l'a appris grâce à ce sondage. Et alors, moi, je me suis dit, mais qui a commandé ce sondage, quand même? Parce que Ipsos l'a fait pour nous. Eh bien, je regarde et l'article nous dit un sondage Ipsos pour la Fédération des ascenseurs. C'est pas beau, ça? Oui, c'est magique. Bien. Alors, donc, je suis allée voir la Fédération des ascenseurs sur Internet. Et du là, journalisme je tombe sur d'investigation. Sur un petit mot du président de la Fédération des ascenseurs. Je prendrai l'ascenseur et je prendrai un sac de couchage. Mal au dos. Vous avez raison. Il y a des petits mots, le président. Le président nous dit, entre vieillissement de la population, densification urbaine, l'ascenseur joue un rôle essentiel dans les mutations sociétales actuelles. Vous voyez, Biyuna, c'est le lobby de l'ascenseur. On est parti de l'ascenseur et on a élevé le débat d'une manière absolument incroyable. Oui. Voilà. 18% sont surpris dans une situation gênante. Nous ne sommes pas dans une situation gênante, nous sommes accompagnés avantageusement par Biyuna et on va faire une petite revue de presse. Allez, c'est reparti. Win. Yes. What do you want? Me to go back? Needs no to win. No, problem. News. Au kilo. There is a bit more, je vous le mets. Again the no. Et on commence par une information qui nous vient de Mayenne. Oui, à Laval, elle se marie en plein accouchement. En fait, c'est une dame qui avait prévu sa cérémonie de mariage depuis longtemps et puis leur enfant est arrivé trop tôt. Donc, le matin du mariage, direction l'hôpital pour l'accouchement, mais elle n'a pas voulu annuler le mariage et il a été prononcé dans la salle de travail de la maternité avec l'accord du procureur de la République. Ah, oh, ça c'est touchant, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Pour le type quand même, la journée de merde, le matin il était célibataire, le soir il est marié et père, si c'est pas pire qu'une gueule de bois. Alors, un tweet clash hier soir entre Mathieu Kassovitz et Véronique Jeunesse. Mais oui, c'était la diffusion du premier numéro du Bureau des Légendes, on avait reçu Léa Drucker ici pour en parler, et Véronique Jeunesse, premier tweet, le Bureau des Légendes ça commence vraiment mollement, si ça bouge pas dans 5 minutes je zappe. Quelques minutes plus tard, retweet de Véronique Jeunesse qui donne son verdict, bon, c'est définitivement chiant le Bureau des Légendes, je m'accroche mais je décroche. Et là, Mathieu Kassovitz se dit je ne peux pas me laisser faire. Il répond @Véronique Jeunesse, définitivement conne, smiley. Je ne sais pas pourquoi il a mis les deux. Et puis il ajoute, merde pour votre critique, j'ai toujours admiré votre carrière et vos prises de position, hashtag Julie Lescaut. Voilà, rassurez-vous, ni Joséphine Ange Gardien, ni Louis Labrocante n'ont participé au clash. Merci Alex Vizorek. Et voilà, c'est, comme ça vous repartirez informé, Biona, je pense que... Hein, non mais c'est une information quoi. C'est oui, oui, vous oui, sentez beaucoup. Vous sentez informé là quand même en sortant cette émission. Maintenant l'ascenseur c'est un problème pour moi. J'ai peur si le bonhomme il aura peur non, de écoutez, moi. Vous savez quoi, on va vous raccompagner, ne vous inquiétez pas, parce qu'on tient à vous retrouver. Donc au théâtre du Gymnase Marie-Belle, on peut vous voir Biona jusqu'au 10 mai. Mise en lecture de Françoise Sagan. Vous lisez Sagan et notamment parmi les textes avec Mon meilleur souvenir, Des yeux de soie ou Toute ma sainte. Et de toute façon, quoi que dise Biona sur scène, c'est un phénomène, il faut y aller. Eh oui, voilà. Pour lire le bottin téléphonique, moi j'irai. Oui, et en attendant de vous voir prochainement dans les films ou les spectacles, parce que vous savez un petit peu tout faire. Hein. Merci Samir Bouadi, merci Nicole Ferroni. Avec plaisir, désolé j'embrasse mes Oui, embrassez l'aigle quand même. Merci Nicole Ferroni. Merci Guillaume Meurice. Pardonnez-le, c'est Biona qui vous dit. Allez, nous on vous retrouve ce soir sur France 4. Et oui, donc le mot de la fin, à l'insolence. Je ne savais pas à qui vous parlez. Je m'en fous. Mon ami. Monsieur le ministre, vous avez pas reconnu.